France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. En 2014, Thomas Fadlala écrit un article sur les meurtres commis par des enfants en France au 19e siècle. Il relate le crime commis en 1992 par deux garçons de 10 ans sur le petit James Patrick, âgé de 2 ans. Ces deux garçons rappelaient à l'opinion publique mondiale que les enfants tuent. Entre 1825 et 1914, 26 cas de meurtres et tentatives de meurtre commis par des individus de 14 ans et moins sont recensés. Il raconte également qu'en étudiant les dossiers de procédure conservés, il est possible de réinscrire ces crimes dans leur dimension sociale et historique. Comprendre le crime par le milieu qu'il a généré revient à refuser l'approche judiciaire de rattachement du crime à son auteur, afin de révéler comment une époque ou un milieu peut être criminogène au point de mener au meurtre des enfants qu'on ne soupçonnerait pas a priori. Il y a quelque chose dans toute l'histoire de Marie qui ressemble à un conte pour enfants, à un conte de Grimm. Elle est perdue dans la forêt et elle ne va vivre que des choses atroces, mais les choses atroces qu'elle vit sont en plus extrêmement baroques. Dans son enfance, enfin, on apprendra à la fin du livre que Marie a été vendue par sa mère à des clients. Les scènes sont racontées, on lui met un bandeau. Et surtout, sa mère était extrêmement croyante. Toute sa famille pensait qu'elle allait devenir nonne, puis elle est devenue prostituée. Et toutes les scènes se passent avec des crucifix et des rosaires qui touchent, qui frottent, qui caressent le visage de Marie. Quand je dis ça a quelque chose d'un conte pour enfants, je ne dis pas elle a fabule. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment la petite fille perdue dans le pays des monstres et du trouble. L'affaire Marie-Belle, au-delà du fait divers. Première partie, l'enfance meurtrière. Sybille Grimbert, éditrice, et Florent Georgesco, ancien éditeur et journaliste. De toute façon, l'aberration du procès, elle commence là. Comment juger, dans des codes totalement adultes, sans rien expliquer, une enfant de 11 ans. Elle est plus enfant que jamais. Enfin, en tout cas, le livre la montre plus enfant que jamais. Quand elle a son interrogatoire devant la cour, où elle est, alors là, pour le coup, comme tous les enfants du monde qui ont fait une bêtise, elle noie le poisson avec beaucoup d'intelligence. Là, indéniablement, en plus, elle est drôle, mais elle se focalise volontairement sur des détails inutiles. Elle essaie de perdre son interlocuteur comme tout enfant le ferait. Et là, il y a quelque chose de touchant et quelque chose surtout, par ailleurs, de très triste, parce que c'est là qu'elle révèle, comment pourrait-il en aller autrement, cela dit, c'est là qu'elle révèle qu'elle ne comprend rien. Vous imaginez un peu ce qu'est un procès anglais, les perruques, la majesté du juge, tout cela est très impressionnant. Et qu'est-ce qu'il y a? Qui y a-t-il au pied de ce cérémonial? Une petite fille, très mignonne, très vive, pas franchement heureuse à ce moment-là, mais qui gardait malgré tout sa vivacité, y compris dans le procès son humour. Marie qui sait jouer même avec le juge, qui sait se mettre à l'abri quand elle le peut, enfin qui essaie de trouver sans cesse pendant le procès des ficelles, avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de malice. Elle pouffe même parfois. Elle ne sait plus s'il faut appeler les gens sœurs, des mots votre royauté, enfin, elle est enfant, là, absolument, plus que jamais. Et c'est pourtant là qu'elle va jouer la part la plus adulte de sa vie. On est le 25 mai 68. On est à Scotswood, un quartier très populaire, très déshérité à ce moment-là de Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Newcastle est en soi d'ailleurs une ville assez déshéritée. On est dans le comble de cette misère. On est dans un petit pâté de maison où tout le monde se connaît, où tout le monde vit plus ou moins les uns sur les autres et dans la rue beaucoup. En tout cas, les enfants courent tout le temps dans la rue, passent d'une maison à l'autre, etc. Et le petit Martin Brown, 4 ans et 2 mois ce jour-là, petit gaillard blond aux yeux bleus. On est samedi, les parents dorment, ils font la grasse matinée, il prend son propre petit déjeuner, puis il sort, il va jouer. Les derniers mots que sa mère a entendus, c'est « Je sors, mam !» Et puis il disparaît. En fait, il y a beaucoup de maisons, on est en train de refaire des trucs, on va démolir des maisons. Il y en a une qui est à l'abandon, les gamins adorent y jouer, et donc 3 gamins, je crois, vont chercher du bois dans cette maison. Et ils tombent sur un enfant qui gît les bras en croix sur un sol couvert de détritus, et du sang sort de sa bouche. Voilà, il n'y a pas de signe de lutte, la scène est calme, si je puis dire. Mais il y a cet enfant manifestement blessé, comme après une chute, on pense d'abord à ça. Voilà, il est mort, mais à ce moment-là, tout le monde pense à un accident. Après le premier crime que Marie a commis toute seule, mais Norma est au courant, elles vont rentrer par effraction dans l'école maternelle et elles vont écrire des billets, des papiers où elles avouent le meurtre avec des fautes d'orthographe. Alors elles essaient de maquiller, parce qu'il y a quand même du jeu là-dedans. Elles essaient de maquiller leur écriture, Marie d'écrire avec la main avec laquelle on n'écrit pas. Elles se corrigent des fautes d'orthographe sur des trucs qui sont de toute façon complètement fautifs. Et elles disent qu'elles reviendront, qu'elles tueront. Et à ce moment-là, le pacte va en plus se préciser, c'est qu'effectivement, elles se disent l'une à l'autre qu'elles allaient tuer quelqu'un. Il se passe cette chose bizarre que Marie, 4 jours après la mort de Martine, frappe à la porte de sa mère, June, et elle lui dit « Est-ce que je peux voir Martine ?» Et June lui répond très gentiment « Non, ma cocotte, Martine est mort. » Tu ne pourras pas le voir. Et Marie lui répond, mais je sais très bien, je voudrais le voir dans son cercueil. Voilà. Voilà Marie à ce moment-là. Voilà peut-être un des éléments les plus révélateurs du cycle meurtrier dans lequel elle était. Voilà. Elle va provoquer la mère dont elle a tué l'enfant. Et une des choses dont se souvient le plus June dans cette scène-là, c'est le sourire. Le terrible sourire de Marie qui l'interroge tout le long. Elle était aussi allée voir un autre proche, une amie de la famille, une amie de Martine, qui disait je l'avais chassée, j'en pouvais plus de son sourire. Elle l'a questionnée, elle disait « Vous êtes malheureuse ?» Et June, la mère de Martine, elle est malheureuse aussi. Et tout cela avec un sourire terrifiant, exaspérant, et qui a tellement angoissé cette femme qu'elle l'a chassée. Caroline Eliachef, pédopsychiatre et psychanalyste. Sur le moment, personne n'a rien vu. Alors, personne n'était peut-être susceptible de voir, mais je veux dire, c'est toujours facile rétrospectivement. Il n'empêche qu'il y a dû y avoir encore beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, on voit bien que ces deux filles, qui avaient un imaginaire très développé, les jeux qu'elles avaient ensemble, les jeux d'imagination, etc., etc., bon, personne n'a rien vu. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles n'étaient pas dans un milieu où on écoutait tellement les enfants, et parce que les signes qu'elles donnent sont à décrypter. Ils ne sont pas aussi clairs que rétrospectivement on les voit, ils sont à décrypter. Quand personne ne peut les décrypter, et ben ça passe à l'as. Voilà. Les enfants qui veulent faire savoir quelque chose le font à leur manière, et leur manière n'est pas la manière des adultes. Philippe Génada, écrivain. Ce serait un comportement très étrange, presque inexplicable ou stupide de la part d'adultes. Mais le fait, et je ne pense pas qu'elle puisse inventer ça, moi c'est une des choses, c'est là aussi que c'est fort, hein, non seulement ce livre, mais cette histoire. Le fait qu'elle le dise ou que ce soit prouvé, qu'elles ont écrit des lettres en disant, hein, pour moi c'est justement, ça renforce le côté enfant. Les adultes ne feraient pas ça. Ou alors un serial killer, et au bout d'un moment, il cherche à se faire attraper. Là, c'est pas elle cherchait à se faire remarquer, ou à se faire punir, ou j'en sais rien, ou à elle dise qu'elle voulait être mise en prison pour pouvoir s'échapper avec un cheval qui tire sur les barreaux. Enfin bon, tout ça, ça fait, je pense que c'est vrai, quoi. Enfin, c'est vraiment vrai. Et c'est la preuve, mais vraiment. Moi, c'est là que je me disais, elle ne se rendait pas compte du tout. Mais voilà, pour moi, ces choses, en particulier les lettres à l'école. Ça veut vraiment dire à quoi ça sert qu'on tue des enfants si on ne s'intéresse même pas à nous. On est le 31 juillet cette fois. Brian est un peu plus jeune que Martin. Il a 3 ans et 4 mois. Et ça se passe au début à peu près comme pour Martin. C'est vraiment révélateur du mode de vie là-bas. Lui aussi il se débrouille, lui aussi il sort tout seul. Bon voilà, il va jouer. Sa mère est partie, elle a abandonné ses enfants. Là aussi il y a plein d'enfants. C'est sa grande sœur qui s'occupe de lui à ce moment-là. Mais quand elle rentre dans l'après-midi, vers 3h de l'après-midi, il se trouve qu'il n'est plus là. Et donc elle commence à chercher. Et ce qui se passe de très curieux à ce moment-là, c'est que en commençant à chercher Brian, elle tombe sur Maribel. Puis un peu plus tard Norma. Et c'est Marie qui spontanément lui propose de l'aider à chercher Brian. Marie à ce moment-là semble presque jouer avec ça parce qu'elle non seulement elle propose ça, mais en fait, elle l'amène peu à peu vers l'endroit où le corps se trouve réellement. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Tin Lizzy, qui est un terrain vague. Et Norma dit non, moi, je connais bien Brian, je m'occupais souvent de lui, il allait jamais jouer par là, il n'y a aucune chance de le trouver là. Donc, en fait, Marie a provoqué, ou a peut-être eu l'excitation de montrer le corps de l'enfant mort à sa sœur. Mais Norma, elle, a eu peur et donc finalement, ils n'y sont pas allés. Et c'est finalement la police qui trouvera le corps de Brian le soir, vers 23h, effectivement, près de ces blocs de béton du Tin Lizzy. Et là, en l'occurrence, on verra tout de suite, il n'y aura pas de thèse d'accident, on verra tout de suite qu'il a été tué. Tout ira très vite à ce moment-là. On comprendra très vite que c'est elle. En tout cas, on les soupçonnera. Et elles se couperont dans leur mensonges, dans leurs récits. Et elles seront très très vite accusées. Silence ! Norma a sa famille derrière. Norma passe le procès à se retourner pour parler à sa mère. Marie est seule. Norma, tout le monde s'est organisé très bien, y compris l'avocat, parce qu'ils avaient choisi au plus un très bon avocat. Y compris l'avocat, tout le monde s'est organisé pour qu'elle ait une défense parfaite, donc qu'elle se présente de façon parfaite. Quand on voit comment était organisé le procès, je ne suis pas sûre non plus qu'on pouvait faire des miracles. La seule possibilité, c'était qu'il y en ait une qui ne soit pas coupable. Et Marie avait tout pour que ce soit elle qui le soit. D'abord, c'est quand même elle qui a, enfin, il me semble, c'est quand même elle qui a tué, c'est sûr. Et c'est elle qui dirigeait. Et la seule latéralité qu'avait ce procès, c'était d'en excuser une. Même si on peut dire, et c'est sans doute vrai, que Maribel, même plus jeune, était un peu la meneuse du truc, et que c'est elle qui a entraîné l'autre, il n'empêche qu'elles sont quand même deux, normalement, à avoir tué. Il y en a une qui joue la petite fille, qui regarde tout le temps son papa et sa maman, qui pleure, qui a peur, qui ne fait peut-être pas exprès, hein, j'en sais rien, mais elle est acquittée. Et Maribel, qui ne fait peut-être pas exprès non plus, qui, elle, est là et fait face. C'est-à-dire, elle regarde les gens droit, elle les défie pas, hein, mais elle fait pas semblant de se ronger les doigts, de souffrir, de se replier sur elle-même et tout ça. Peut-être sincèrement, elle dit « Oui, bon, ça va, j'ai tué des petits garçons, mais c'est rien. » Voilà, elle pense qu'ils vont revenir, comme elle dit, elle le dit plein de fois. Hein, je pensais qu'il allait revenir et que mort, c'était comme un état de quand on est vexé, ben, après on n'est plus vexé. Quand on est triste, après on n'est plus triste. Quand on est mort, après on n'est plus mort. Guita Sereni débarque dans cette salle. Elle voit une gamine dont la justice et les journaux anglais à ce moment-là font un monstre. Devant la cour, on parle de psychopathe, terme qui est d'ailleurs étrange pour une enfant. La presse à ce moment-là se déchaîne, on dit c'est une mauvaise graine, c'est un monstre. Voilà, c'est un petit monstre. Mais elle voit le petit dans le monstre et elle voit l'enfant malgré tout. Maribel a tué deux très jeunes enfants. Ces crimes sont absolument odieux. On comprend la colère de l'opinion, on comprend même la sévérité de la justice, et elle aussi, et Sereni aussi, comprend tout à fait ça. Mais elle sent qu'il y a quelque chose d'autre. Et elle le sent dans cette enfance même qui la touche. Donc, Il y a quelque chose, je pense, d'une émotion qu'elle a ressentie d'abord en voyant Marie, mais qui se prolonge tout de suite en une question morale et politique pour elle. Guita Sereni, c'était donc une journaliste, elle est d'origine hongroise, mais elle était devenue anglaise, elle a vécu la majeure partie de sa vie au Royaume-Uni, à Londres. Elle est devenue en quelques années une des plus redoutables, une des plus passionnantes journalistes d'investigation qu'on ait connues au XXe siècle, en commençant très tôt, dans les années 60, à travailler sur les suites, si je puis dire, du nazisme, sur les criminels nazis, sur la traque des derniers nazis, surtout peut-être les grands procès de nazis, et notamment le procès de Franz Stangl, qui a été le commandant de Treblinka pendant un an. Et elle a continué sur la question des traques de nazis, mais elle avait une autre voix, qui a très tôt, là aussi, commencé à la passionner, et en fait, comme pour tout chez elle, à la rendre obsessionnelle, c'est la question des crimes commis par les enfants. Et ça a commencé avec Marie-Belle, dont elle a suivi le procès. Et elle écrit beaucoup de papiers là-dessus. Elle fait une enquête très approfondie, qui finit par donner un premier livre, qui s'appelle en français « Meurtrière à 11 ans », en 1974, si je ne me trompe pas. Et il se trouve qu'elle aura l'occasion d'y revenir 30 ans plus tard, et que donc elle arrivera à deux livres sur la même affaire, mais le deuxième livre qui s'appellera « En français, une si jolie petite fille », ce qui sera sans doute son chef-d'œuvre, quand bien même sa sortie au Royaume-Uni a été extrêmement agitée. Isabelle Spack, journaliste et écrivain. C'est une petite fille qui a tué deux petits garçons quand elle avait 11 ans. Même ça, enfin, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, que des enfants tuent d'autres enfants. Et Guita Sereni explique très bien ce désarroi de la petite enfance et en même temps la force de l'éducation. C'est ça qui est formidable aussi, c'est que n'importe qui peut avoir des pulsions et avoir envie de tuer un autre, mais on a des barrières, et les barrières, ce sont les parents, normalement, qui nous les donnent. Là, cette petite fille n'a pas eu ces barrières, et ces barrières sont complètement... les barrières qu'elle a pu avoir sont des barrières complètement dingues, si je puis dire. Pour moi, c'est une femme qui a été massacrée. Alors, c'est vraiment curieux de dire ça. C'est comme si je disais... Michel Fourniret, le pauvre, vraiment, il me fait de la peine, quoi. Et qui n'a pas eu de chance, évidemment, à partir du moment où elle est née. Et tout le reste de sa vie, jusqu'à maintenant, je ne sais pas du tout quel âge elle a ni ce qu'elle est devenue, mais enfin, voilà, c'est un personnage qui me touche, et ça m'ennuie qu'elle me touche. Des personnages comme Pauline Dubuisson, dont j'ai parlé dans un de mes précédents livres, me touchent. Je suis content qu'elle me touche, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Marie-Belle, non. Mais je sens en moi une tendresse presque désagréable pour elle. Marie-Belle m'inspire de l'affection, de la compassion, et je me dis en fond, fais attention. Et la mère, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la mère, évidemment, ou pas d'ailleurs, mais enfin, pour moi, évidemment, m'inspire du dégoût, de l'horreur et l'envie de la couper en morceaux. Mais je me dis, fais attention aussi. D'abord, si ça se trouve, s'il y avait un livre sur la mère, peut-être que je ressentirais pareil si j'avais le début de sa vie. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve ce livre est beau, fort et déstabilisant, c'est que à chaque émotion qu'on a, on sent que derrière, il peut y avoir quelque chose qui peut détruire cette émotion. La mère, a priori, telle qu'elle est montrée dans le livre, et encore une fois, c'est toute la beauté et le danger de l'écriture, elle est vraiment odieuse, quoi. Enfin, elle est haïssable, elle est vraiment haïssable. Lors du procès, par exemple, ça c'est fascinant la façon dont Sereni le décrit. Elle arrive avec sa perruque de travers, je crois qu'il est très important qu'elle soit de travers, détenue ahurissante, et elle manifeste son chagrin, sa colère, pas du tout de cette petite voix fine et hésitante. Elle crie, elle pleure de façon ostentatoire pendant le procès, et elle met même sa fille mal à l'aise. Et alors Betty est une prostituée, mais qui est mariée avec un homme qui n'est pas le père de Marie, mais que Marie considère comme son père. Et en fait, dès que Marie arrive, elle dit, lors de l'accouchement, juste après l'accouchement, elle dit « débarrassez-moi de cette chose ». Elle n'a pas envie de cet enfant. Elle déteste, elle hait cet enfant. Ensuite, elle va essayer de la tuer. Elle va lui mélanger avec des Smarties, des médicaments. On sera obligé de lui faire un lavage d'estomac à l'enfant. Et elle va faire... à un moment, elle va mettre l'enfant au bord de la fenêtre, en le tenant, si je me souviens bien, par les chevilles. Et c'est quelqu'un qui est dans la maison qui va réussir qui va courir et rattraper la petite Marie, qui sinon se serait écrasée au sol. C'est quand même assez spectaculaire. Et après, elle fait cette chose complètement démente. Un jour où elle va à l'hôpital, elle croise un couple complètement défait parce qu'ils n'ont pas eu le droit à adopter un enfant alors qu'ils vont partir en Australie. Et ils pleurent et ils sont malheureux. Et elle leur donne la petite Marie. Et ça, c'est un truc déchirant parce que Marie part avec ce couple, arrive dans ce qu'elle elle se souvient d'une très belle maison. On lui donne plein de vêtements, on a acheté plein de choses pour elle ou l'autre enfant qui aurait dû venir. Les gens vont partir en Australie, on est charmant avec elle. La famille de Betty, qui a un sens moral, se met à chercher l'enfant, le retrouve et on ramène Marie auprès de sa mère. Et Marie a cette phrase, une fois qu'elle est adulte, en disant « si ça se trouve, si on m'avait laissé partir avec ce couple, j'aurais eu une vie tout à fait différente et j'aurais été heureuse. » Enfin, voilà, Betty voulait vraiment se débarrasser de Marie. Et d'un certain point de vue, Marie n'aimait pas beaucoup sa mère non plus. Et je n'ai pas dit qu'évidemment elle battait sa fille. On est dans les choses les plus dramatiques et classiques. Pour moi, c'est le plus frappant de cette histoire. C'est que personne ne se demande, au moment du procès, même les, pas seulement la justice, mais les gens autour, les journalistes, évidemment, les experts, personne ne se demande. C'est tellement simple de dire c'est un monstre, enfin, ça paraît d'une bêtise incroyable, quoi. On dit, elle est maléfique, elle a fait quelque chose de maléfique, donc c'est un monstre diabolique. Il suffisait de regarder un tout petit peu derrière, et puis c'était pas très difficile. En plus, la mère était là. Je pense que c'était assez facile de se douter qu'il y avait quelque chose de. Elle avait un problème avec sa mère. On l'a prise juste comme elle est, comme une sorte de pantin, sans chercher à voir ce qu'il y avait dessus, dedans, à l'intérieur, etc. Je pense qu'ils n'ont pas fait le travail. Ils ont été simplistes, et peut-être que c'est rassurant, et pas peut-être, sûrement. C'est rassurant de se dire, comme dans un film, cet enfant est possédé, il y a le diable en lui, donc voilà, c'est pour ça. Plutôt que de se dire, élever un enfant, ça peut créer des choses terribles si on fait mal, plutôt que d'inclure la société en elle. C'est pas nous, c'est pas la société, c'est pas nous. Parce que là, c'est vraiment la société, c'est aussi la pauvreté. Hein. C'est pour ça la mère, on disait... moi, j'ai eu l'impression pendant tout le livre que la mère, je sais pas pourquoi, était une vieille femme. Alors que non, c'était une très jeune femme, dans une banlieue, dans des conditions de pauvreté, de machin, etc. Et son moyen de survivre, c'était de fouetter les vieux messieurs ou je sais pas quoi. Mais ça, on veut pas le voir. Tout ça, ça n'existe pas. Les enfants qui vivent dans la rue avec des parents qui survivent comme ils peuvent. Non. C'est Belzébuth qui est rentré dans le corps de cette petite fille. Archives de la télévision britannique, Betty Bell en 1972. Now, Betty, are you saying that your daughter is innocent? No, I'm not saying she's innocent. But something must have made her do these things. Yes, something possibly must have made her do these things. And what was it about her life and her family you think that could have driven her to these things? Maybe it's the arguments between my husband and myself might have had some inflict on her. I don't know. Have you been very despairing sometimes? Very despairing, very, very lot of, under a lot of strain, stress, and grief for my daughter. Le journaliste dit tout de suite, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour que Marie en soit arrivée là ? Bon, pas de réponse, etc. Cette vidéo, elle est incroyable. Parce que, d'abord, elle a un accent pas possible, mais elle parle... C'est une comédienne. Elle a cette, le truc de Betty, c'est les perruques. Elle porte des perruques, elle les porte n'importe comment, et parfois on a l'impression que c'est volontaire, que c'est presque une provocation d'avoir cette... Et en même temps, c'est une belle femme. Je trouve que c'est quand même assez frappant. Et je me rappelais d'avoir vu un plan, alors peut-être pas de cette interview où je l'ai imaginé, où on la voit d'un peu plus loin, et elle a de très belles jambes. Et ce qui est dit aussi dans le livre. Et en même temps, elle est dégueulasse. Ce qu'elle dit là sur sa fille, c'est-à-dire cet air qui paraît complètement fabriqué. Alors après, je crois qu'elle dira qu'elle prenait des médicaments à l'époque. Mais de petite fille justement qui hésite sur les mots, qui a cette petite voix complètement fine et incertaine, alors qu'en fait c'est une gouailleuse d'une vulgarité insensée qui n'a jamais eu peur de crier et de parler fort, et qui dit oui, ma fille coupable, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, toute cette ce rien, ce détachement, enfin, que je trouve assez frappant, en fait, et tout à fait étonnant. Maribel est condamnée, et elle est condamnée à raison, parce qu'elle a tué, mais il y a une imbécilité judiciaire à défaut d'erreur. Et la justice est incapable de se donner les moyens de comprendre, de savoir que la question est aussi une question psychologique. Or, la dimension psychologique des choses intéresse particulièrement et structure particulièrement la pensée de Sérénie. Et donc, elle est à la fin de ce procès devant un sentiment d'inachevé total. Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in tennis, and people died. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. Une histoire particulière par Elsa Delachère, réalisée par Anna Smuk. Prise de son, Laurent Lucas, Yves Lehors et Delphine Baudet. Mixage, Stéphane Touvenant. Des remerciements particuliers à Amélie Dore, Olivia Latouche, Elisabeth Samama et Yvonique Chedemois. Coordination, Christine Bernard. Demain, deuxième partie, l'enquête et l'aveu. Midnight in prison store. Leather straps across my chest. C'est la fin de ce premier épisode. Demain à 13h30, ce sera la suite de l'histoire Maribel. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.